Mathilde n'est sur rendez-vous à 6 heures du soir. Dans le métro, il y a un monde fou et je vais être en retard. Et pas de taxi pour me sauver la vie. Et pas de taxi pour m'emmener jusqu'à lui. Je ne peux plus rester sur ce trottoir. Des vieux messieurs m'ennuient. Je marche un peu en cherchant au hasard. Tiens, manquait plus que la pluie. Et pas de taxi pour me sauver la vie. Et pas de taxi pour m'emmener jusqu'à lui. Une voiture roule à côté de moi. Son chauffeur n'est pas beau. Il peut sourire, je ne répondrai pas. Pourtant mes souliers prennent l'eau. Et pas de taxi pour me sauver la vie. Et pas de taxi pour m'emmener jusqu'à lui. Mais j'ai si froid que je vais, j'en ai peur. Sourire à mon suiveur. Moralité, quand on n'est pas très beau, faut avoir une auto. Soudain, taxi